l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes en octobre 1883 et nous apprêtons à vivre une soirée historique. Imaginez déjà la foule qui se presse. Il y a quelque chose de plus brillant, de plus coloré, de plus joyeux dans cette foule que dans la plupart des autres. Regardez ces plumes, ces aigrettes qui dépassent de la forêt des hautes formes et des casquettes à galons dorés. Aux accents cuivrés de l'orchestre, tout un peuple de valets en livrée achemine les malles imposantes des voyageurs au milieu de ces messieurs barbus à redingotes. Il y a là des hauts fonctionnaires, des représentants des différentes compagnies ferroviaires, quelques hommes d'affaires et bien sûr des journalistes. Au milieu de la vapeur de la gare de Strasbourg, gare complètement envahie par les belles volutes blanches et argent dans un joli claquement de portes cuivrées, 24 voyageurs privilégiés prennent place dans le train express d'Orient. Pour le moment, c'est son nom. Alors vous allez me dire, pas beaucoup de femmes dans tout cela, et pour cause, le train n'emmènera cette fois-ci que des messieurs. La compagnie des wagons-lits a jugé que le voyage était bien trop dangereux et chaotique, en tout cas sur la portion du trajet qui va traverser les Balkans, pour que l'on admette en toute sécurité des dames à bord. Du reste, tous les passagers ont pris soin de s'armer de revolvers. Oh, après tout, c'est une sage précaution. Il est un petit peu plus de 19h, donc, ce jeudi 4 octobre 1883, la machine est sous pression, le convoi va pouvoir s'ébranler. Un homme observe avec un air satisfait les voyageurs qui sont en train de prendre place dans le train. Il a 38 ans, cet homme-là, il s'appelle George Nagelmackers. Il est le fondateur de la compagnie des wagons-lits. C'est lui l'artisan de toute cette aventure, lui qui est à l'origine de la saga de l'Orient Express, celui par qui tout est venu, si vous voulez. Et pourtant, l'histoire a presque oublié son nom. Jean Descartes me disait juste avant que ne commence cette émission que c'est lui qui a fait entrer le nom de George Nagelmackers dans le Petit Robert ou dans le Larousse. En tout cas, c'est vrai qu'on connaît le nom de la compagnie des wagons-lits, on a presque oublié celui de son fondateur. Pour comprendre l'histoire de ce jeune Belge, il faut d'abord faire un détour par les États-Unis, par l'histoire d'un autre George, alors sans S cette fois, George Mortimer Pullman, un homme qui a révolutionné l'histoire des trains aux États-Unis et dont Nagelmackers s'est beaucoup inspiré. George Pullman, né dans l'État de New York en 1831, est le fils d'un mécanicien. Il n'a pas fait de longues études, mais très jeune déjà, il a monté d'importantes affaires. Il s'est spécialisé dans le transport de bâtiments. On dit que son entreprise déplaçait des immeubles entiers. Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Et dans son dictionnaire amoureux des trains, Jean Descartes raconte une anecdote. George Pullman aurait déplacé à Chicago l'hôtel Tremont House sans que les clients ne bougent de leur chambre ou du bar et sans, disait-on, qu'aucun verre n'ait été renversé. Bon, il y a la part de la légende dans tout ça, mais pour ses affaires, Pullman passe son temps dans le train et il est exaspéré par la mauvaise qualité des transports de nuit, ce qui va lui donner une idée. Pullman fait partie de ces personnes qui, lorsqu'elles constatent un manque ou un problème ou un défaut dans la société ou dans l'organisation, non seulement ne s'en plaignent pas, mais au contraire s'en félicitent parce qu'elles vont s'empresser de le combler, ce vide-là. Ce que Pullman invente, c'est donc le wagon-lit. Dans un premier temps, il met sur place des voitures aménagées avec des sièges très confortables à dossier inclinable. Et puis, il va jusqu'à inventer des banquettes qui, lorsqu'on les tire, se transforment en couchettes. Ça, c'est une révolution. Et lorsqu'éclate la guerre de sécession, Pullman a déjà fait une petite fortune. Il a les 20 000 dollars or de l'époque qui lui permettent d'investir dans son grand projet. Il va perfectionner son invention, inventer la première voiture de luxe destinée à un public très privilégié. Bien sûr, il l'appelle la pionnière, Pioneer, devrais-je dire. Il la veut superbe. On utilise l'acajou, la ronce de noyer, des moquettes incroyables. Les lits sont magnifiques. Le problème, c'est que pour ressembler à un véritable salon, la voiture est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, beaucoup plus large que prévu. Disons les choses, la pionnière est très belle, mais elle ne peut pas rouler. George a vu trop grand. Tout le monde se moque de lui, il va faire la une de la presse locale, on rit. Seulement, un événement incroyable va le sauver. C'est la mort, par assassinat bien sûr, du président Lincoln. Il faut ramener le président Lincoln de Washington dans son Kentucky. Bien entendu, on ne veut pas le ramener dans un train ordinaire, ce corps présidentiel. Il faut une très belle voiture. Et le colonel chargé d'organiser l'acheminement, il s'appelle colonel Bowen, se dit... pourquoi ne pas utiliser la trop grande voiture, la fameuse pionnière? Problème, elle ne passe pas dans les gares. Mais, et d'accord, mais il s'agit du président. Si la voiture ne passe pas, on va tout simplement changer les rails des gares. Et c'est ainsi que la pionnière va ramener le corps du président défunt. Ça, c'est le voyage aller. Évidemment, il va y avoir un voyage retour. Or, Pullman, qui est un homme très intelligent, je vous avais compris que c'est l'homme habile par essence, et surtout un génie de la publicité. Puisqu'on peut faire un voyage retour, eh bien Pullman va faire une campagne de publicité extraordinaire et dans chaque ville, dans chaque village traversé, il invite les gens à monter à bord de cette voiture plus luxueuse que tout ce qu'on n'a jamais vu jusqu'alors. Or, en cette fin des années 1860, se trouve justement aux États-Unis notre jeune ingénieur belge, là dont je vous parlais tout à l'heure, le George Nagelmakers. Il voit fonctionner les premiers très beaux trains Pullman. Il trouve le confort à bord absolument extraordinaire. Il sait très bien que rien de tel n'existe en Europe à l'époque. Inutile de vous dire que ça lui donne quelques idées. Un extrait de la bande originale du film de Sidney Lumet de 1974 avec Lorraine Bacall, Sean Connery ou encore Jean-Pierre Cassel, bien sûr le crime de l'Orient Express. Alors cet après-midi, Franck, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable aventure de l'Orient Express et de son fondateur George Nagelmakers. C'est un brillant ingénieur belge. Oui. Qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis dans les années 1870? Il est un petit peu là par hasard. Il faut dire qu'il vient d'une très grande famille belge, propriétaire d'une grande banque d'affaires, la banque Nagelmakers. George a fait de brillantes études d'ingénieur, vous l'avez dit. Seulement à l'âge de 20 ans, il a eu la mauvaise idée de tomber éperdument amoureux d'une femme nettement plus âgée que lui et qui en plus était sa cousine germaine. Oh, vous imaginez le scandale dans la famille. Ça fait tache hein, dans cette grande famille belge. Le père est furieux. Pas question d'accepter évidemment cette alliance et il décide, comme on faisait dans ce genre de cas, à chaque fois qu'un jeune homme s'éprenait un peu trop d'une femme dont on n'avait pas envie dans une famille, eh bien on l'envoyait faire un grand voyage autour du monde, voilà exactement, histoire de lui changer un peu les idées. George est donc envoyé aux États-Unis et c'est cette expérience qui va se révéler salutaire, je vous le disais à l'instant, puisque pendant sa traversée sur le transatlantique, il croise un certain Samuel Cunard, le fameux homme d'affaires qui va monter les lignes transatlantiques. Et de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien de confort de voyage, précisément. La façon de voyager la plus confortable possible. Et d'une certaine manière, Nagelmakers était déjà, par cette rencontre inopinée, prédisposé, si vous voulez, à ce qu'il allait découvrir aux États-Unis, c'est-à-dire les voitures Pullman dont je vous parlais à l'instant. Donc, il se découvre une véritable passion pour un chemin de fer tel qu'on ne l'avait pas encore imaginé en Europe, ce jeune George. Il découvre les trains de nuit avec leurs banquettes qui constituent des compartiments qui se transforment donc en couchettes lorsqu'on les tire. On tire un rideau, on est chez soi dans son compartiment. Et il y a le couloir qui maintenant est central. Grande différence par rapport à tous les trains d'Europe. Nagelmakers se dit qu'on doit pouvoir faire encore mieux que tout ça. On doit pouvoir déplacer le couloir sur un des côtés du train et rendre chaque compartiment parfaitement indépendant et pourquoi pas son propre cabinet de toilette. Nagelmakers est en train d'inventer une nouvelle façon de voyager. Et lorsqu'il rentre en Belgique, il est complètement passionné par son projet. Il est habité, si vous voulez, par sa nouvelle passion. Le 20 avril 1870, il publie une brochure dont il n'existe qu'un seul précieux exemplaire aujourd'hui. Vous imaginez, enfin, plus qu'un objet de collection. Là. La brochure en question s'appelle « Projet d'installation de wagons-lits sur les chemins de fer du continent ». Il lui faut des fonds, des soutiens politiques, les relations de sa famille vont lui servir. Le roi des Belges, le roi Léopold II, cet extraordinaire entrepreneur qui a complètement modernisé la Belgique, Léopold II. Il faudrait qu'on en reparle, tiens, de ces jours. Léopold II se passionne pour cette histoire. Il donne à Georges l'autorisation d'ouvrir une première ligne entre Bruxelles et Vienne. Vienne en Autriche, bien sûr. C'est la grande ligne de l'époque, la ligne de la bonne société, de la haute société. La compagnie des wagons-lits est fondée en novembre 72. Et ça n'est encore qu'un début. Bien entendu, plus tard, les projets vont se multiplier. On va voir bientôt naître un Nord Express, un Sud Express. Le premier à voir le jour est en 1883 l'Orient Express. Et sur le quai de la gare, donc nous y revoilà, notre 4 octobre 83, on se presse pour voir ce matériel entièrement nouveau. Jean Descartes nous parle des wagons, des voitures-lits, une voiture restaurant tout en bois de teck qui constitue une spectaculaire innovation, dormir en roulant dans un vrai lit, s'y restaurer grâce à un chef de cuisine, une brigade à bord du jamais vu en Europe en dehors de quelques essais préalables. Les voitures mesurent 17,5 mètres de long, sont des voitures bien aérées qui sont éclairées au gaz, chauffées par tout un système ultramoderne de tuyaux où circule de la vapeur. À peine le train a-t-il quitté Paris, alors là encore, grand nuage de vapeur, il faut imaginer ça, on va servir le premier dîner. Messieurs les voyageurs, le dîner est servi, prévient le maître d'hôtel avec sa cloche. Les 24 voyageurs privilégiés de ce premier voyage s'émerveillent devant tout ce luxe, devant ce raffinement, ils n'en croient pas leurs yeux. Jean Descartes décrit ce voyage inaugural et le premier dîner, je le cite, « un wagon-restaurant ou plutôt ?» Un rêve, plafond avec cuir repoussé de cordoue, mur avec tapisserie des gobelins, rideaux de velours de Gênes, c'est incroyable. Il y a mieux, baissons les yeux, voici des nappes immaculées, une argenterie gravée, des seaux à champagne garnis des carafes de cristal où un vieux Bordeaux se décante. Ma foi, on se croirait au café anglais. Asseyons-nous, le chef cuisinier, un bourguignon barbu, et dans ses petits souliers, tous les plats qu'il va servir sont cuisinés à bord. Là aussi, il y a de quoi être émerveillé. Le raffinement de la chair s'accorde au bouquet des grands crus. Au dessert, le chef coiffé de sa toque est applaudi. Les hommes se lèvent. Certains vont aller se rasseoir à l'autre bout de la voiture aménagée en fumoir. D'autres vont respirer l'air de la nuit sur les plateformes qui séparent toutes les voitures. Et d'autres enfin se retirent pour savourer le confort de leur lit. Un lit dont Edmond Abou nous dit qu'il est douillé comme celui d'une garçonnière pour roman de Maupassant. Il est rare au cours d'une première nuit en train qu'on dorme bien. Vous savez comment ça se passe. Généralement, il faut même deux nuits pour s'acclimater. Seulement, en l'occurrence, le confort des couchettes fait presque oublier à ces voyageurs la puissante locomotive et les halètements de ce train, de ce nouveau roi du rail qui entraîne tout le monde à la vitesse vertigineuse pour l'époque de 65 km/h. L'Orient Express, à ses tout débuts, n'était peut-être pas très rapide, il faut bien le dire, mais il roulait sans à-coups. Au cours d'un dîner, on a vu le directeur de la compagnie réclamer le silence. Et au moment où le train roulait à plein régime, il a tenu à bout de bras un verre rempli à ras-bord sans qu'une seule goutte ne déborde. Fini les estafilades au menton des voyageurs qui étaient en train de se raser. Fini les mini-catastrophes où les mêmes voyageurs perdaient l'équilibre pour se retrouver sur les genoux du voisin ou de la voisine. Le nouveau palace roulant est stable, presque silencieux. Il y a juste le petit padam, padam. Vous savez juste de quoi vous bercer. Ça, c'est si obligatoire. Évidemment. Dans la nuit, le somptueux train glisse vers l'est et le sud à destination de la féerique Constantinople, capitale d'un empire ottoman dont plusieurs puissances sont déjà en train de se disputer les flambeaux. L'épopée promet d'être palpitante, insolite. Elle va réserver quelques surprises à ses concepteurs, des surprises pour le moins inattendues. Franck Ferrand vous propose une émission de rêve et de voyage aujourd'hui puisqu'il vous emmène au cœur de l'Orient Express. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Jean Descartes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH, la page Facebook au cœur de l'histoire et Europe1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur d'une histoire magique cet après-midi. Le voyage au cœur de l'Orient Express, direction Constantinople, aujourd'hui Istanbul, Franck. Et oui, alors au départ, on était parti, on avait comme paysage qui défile sous les yeux des voyageurs des forêts de feuillus qui peu à peu cèdent la place aux forêts de résineux. Le relief s'accentue nettement. Premier incident, on aperçoit une fumée assez inquiétante qui se dégage du dessous du wagon restaurant. Les voyageurs s'émeuvent. Aucun souci, les rassure le premier maître d'hôtel. Seulement un frein qui a un peu chauffé. Tout de même, il va falloir remplacer la voiture par une autre qui sera un peu moins luxueuse. On contourne les Alpes, on parvient jusqu'au Danube, on longe le fleuve majeur de l'Europe, on dépasse Budapest. En Hongrie, des musiciens tziganes viennent donner la sérénade aux voyageurs. Et dès le dimanche 7 octobre, le bel Express d'Orient, puisque c'est encore son nom, fait une entrée plus que remarquée dans la gare de Bucarest. Les voyageurs sont invités à une excursion organisée à leur intention par le roi et par la reine de Roumanie. C'est l'événement, évidemment. Et on est en train de repartir. La portion luxueuse du trajet, si je puis dire, est maintenant terminée. Les voyageurs ont dû quitter les belles voitures lambrissées de l'Orient Express pour embarquer sur un vapeur qui va leur faire traverser le Danube. Ce n'est plus à ce moment-là la compagnie des wagons-lits qui opère, mais bien celle des chemins de fer orientaux. Alors là, c'est plus tout à fait la même musique et on peut dire que l'aventure commence. Le train part avec beaucoup de retard. Il faut 7 heures pour atteindre Varna, bienvenue en Bulgarie. Je cite de nouveau Jean Descartes. Deux sortes de dangers guettent le train. D'abord, les bœufs qui errent librement et ont la fâcheuse habitude de brouter l'herbe pauvre entre les rails. La voie n'est protégée par aucune barrière. Le mécanicien dérange les troupeaux à coups de sifflet quasi permanent. La machine est munie d'un chasse-pierre qui peut balayer un bœuf récalcitrant. C'est la conquête de l'Est. L'autre danger n'est pas mince. Les brigands de Bulgarie remplacent les Indiens du Nouveau-Mexique. Et ce ne sont pas les trains qu'ils attaquent, mais les gares. Lors d'un arrêt, les passagers de l'Orient Express ont la gorge serrée. Prudemment, les messieurs passent leur revolver dans leur ceinture après avoir dégagé le cran de sûreté. Mais les bandits ne se montrent pas. Quand le convoi repart, les messieurs regagnent leur place, non sans passer un doigt entre leur col de chemise et leur cou. Ils ont eu chaud. Par la suite, les voyageurs sont emmenés sur un vapeur autrichien qui va les balloter pendant une bonne quinzaine de kilomètres de traversée jusqu'à Constantinople. Nos passagers ont cependant peu de temps pour rêvasser sur les rives enchantées du Bosphore, car déjà, dès le 13 octobre, ce sera l'heure du voyage de retour. Et cette fois, on repart en direction, bien sûr, de l'Ouest. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Nous avons vécu le tout premier voyage de ce train express d'Orient. Vous me disiez, là pendant l'interruption, que la compagnie internationale des wagons-lits et des trains et des grands express européens fondée en 1876 avec le soutien du roi des Belges, Léopold II, et les armes des wagons-lits, qu'on verra sur les belles voitures bleues, notamment métalliques d'après 1920, sont inspirées des armes de la Belgique. Vous l'avez vu le film là qui vient de sortir, Le Crime de l'Orient Express ? Oui, j'étais le voir pour vous. Très alors je vais vous dire, j'avais lu beaucoup d'articles de chroniques désagréables, négatives. Oui, les critiques ne sont pas très bonnes. Et finalement, je le trouve pas mal du tout. Pour une raison cinématographique, il y a des plans-séquences superbes, de mouvements de 2-3 minutes qui sont formidables. Visuellement, c'est très très beau. Ça a été tourné dans des montagnes. Alors, c'est un combiné des Alpes du Kera avec la Nouvelle-Zélande. Bon, peu importe. Je dirais simplement que il faut rappeler que Agatha Christie est partie de deux faits divers très différents. Le premier, en février 1929, fin janvier, début février 1929, le Simplon Orient Express, qui est l'enfant le plus célèbre de l'Orient Express, qui est né par le traité de Versailles de 1918-1920, parti 3 jours plus tôt de Paris, affronte une tempête de neige effrayante, décongère et est bloqué le train à 120-130 km d'Istanbul. Ça, c'est pour le décor, si on peut dire. Oui, mais c'est l'incident du train bloqué dans la neige. Qui lui a donné l'idée. Et les voyageurs seront tellement éblouis par la qualité du service qu'il n'y aura aucune plainte. J'ai publié le bordereau à ce sujet. Le deuxième fait divers se situe en 1932, c'est l'enlèvement dramatique du bébé Lindbergh avec une issue tragique. Donc elle combine ces deux éléments pour réunir, si vous voulez, donc une société très cosmopolite, bien entendu, comme il se doit dans un train pareil, et Hercule Poirot et du voyage. Alors je dirais simplement que, comme pour la première version, et comme pour la version télévisée, il y a un problème quand vous transposez d'un roman au cinéma ou à la télévision un train qui ne bouge plus, qui ne roule plus. Il n'y a plus la magie de la vitesse, voilà, les dangers, le son. Regardez Bon baiser de Russie, qui est un remarquable film ferroviaire pour sa partie train, fantastique, dans l'Orient Express. Regardez les films de Hitchcock, Une femme disparaît, qui n'arrête pas. Et là, donc on est dans un salon, dans une résidence, dans un château de Nouvelle-Angleterre, peut-être. Et c'est un train statique. C'est un train statique. Et la deuxième, alors il y a deux erreurs graves. Il y a une erreur, si vous voulez, technique, c'est qu'on dit que le train a déraillé, ce qui est faux. Le train est immobilisé et en plus, la machine, la locomotive qui pèse plus de 100 tonnes est remise sur les rails sans qu'on ait vu la moindre grue. Ça, c'est impossible. D'autre part, dans cette version, Hercule Poirot donne un coup de poing à un des passagers suspects. Or, Hercule Poirot ne se bat pas, sinon avec son cerveau. Mais bien sûr, je pense que David Suchet a dû faire un bond sur son fauteuil. Ah oui, il a dû en casser son œuf coq. J'ai entre les mains la réédition par la librairie des Champs-Élysées dans la très belle et célèbre collection du Masque, bien sûr, de l'édition originale du Crime de l'Orient Express, édition de 1934. Elle a été rééditée exactement pareil, avec une belle couverture cartonnée, avec une belle jaquette, etc. Après tout, le film, c'est pas mal, mais le livre, c'est bien aussi. Oui, et Franck, j'ajoute que Agatha Christie est quand même très consciencieuse sur le plan ferroviaire parce qu'elle est partie en voyage de noces avec son deuxième mari à bord de l'Orient Express. Oui, bien sûr. Voilà, elle ne risquait rien. Elle a fait le repérage elle-même. Elle-même. Le Crime de l'Orient Express, donc traduit de l'anglais, livre d'Agatha Christie, est réédité dans sa version originale en ce moment à la librairie des Champs-Élysées. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la bande originale du film dont Jean Descartes vient de nous parler, du film qu'il a vu, Le Crime de l'Orient Express, la version 2017 avec entre autres Johnny Depp et Michelle Pfeiffer à l'affiche de ce film de Kenneth Branagh. Alors justement, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Orient Express avec votre invité Franck. Vous recevez Jean Descartes, il est historien, journaliste, écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux des trains paru chez Plon. Et vous êtes très nombreux à réagir à cette émission qui vous rappelle peut-être à tous des souvenirs de lecture ou de voyage. Et Ayrton nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH, qu'est-ce qui a mis fin à ce merveilleux Orient Express? Ah, alors ça c'est la question qu'il faut poser à Jean Descartes. Fin, pas tout à fait fin, une première fin on va alors, dire. Une première fin, à partir des années 60, si vous voulez, l'évolution du transport en Europe développe l'avion, la voiture. Bon, l'Orient Express et son réseau européen transporte, je dirais, des migrations ouvrières. On n'est plus chez les lords anglais et les maharajas. Bien. Et puis, les barrières politiques et idéologiques, par exemple, pour la branche Orient Express proprement dit, après l'Allemagne, passer par la Hongrie, enfin, joindre la Tchécoslovaquie, tout ça, ça n'est pas simple, parce qu'il faut bien comprendre que l'Orient Express est un train, une famille de trains, avec quelquefois des voitures qui se raccrochent en cours de route. Par exemple, à Belgrade, vous aviez une voiture d'Athènes qui arrivait, mais ça prenait un temps fou de contrôle, etc. Donc, en 1977, il y a une vente aux enchères de matériel, et on peut dire que la fin de la liaison directe en chemin de fer et wagon-lit Paris-Istanbul est opérationnel à ce moment-là. À cette vente aux enchères, entre autres, deux maniaques, un Suisse qui va créer le Nostalgie Istanbul-Orient Express en rachetant des voitures et un milliardaire américain, James Sherwood, qui va fonder ce qu'on appelle à l'époque le Venise-Saint-Plon-Orient Express, dont j'ai été un promoteur ardent et acharné. Et aujourd'hui, après le retour de la nostalgie des trains en Afrique du Sud, le Royal Scotsman, les trains en Inde, et le fait que on n'a pas forcément envie d'avoir un avion qui roule en TGV et que c'est bon de prendre son temps, il y a, pour résumer, le VSOE qui n'a plus le droit au nom Orient Express qui est déposé par la SNCF, qui fait Paris-Venise avec des excursions. Le VSOE, c'est-à-dire Venise-Simplon, Orient Express. Mais qui était un nom fabriqué qui n'avait jamais existé. Et puis, le label Orient Express a été repris. Alors, le VSOE, je précise, est la propriété d'un groupe hôtelier de luxe, le groupe Belmont. Et L'Orient Express est en train d'être reconstitué par des voitures qui ont été sauvées. C'est une voiture restaurant, notamment. Moi, j'ai participé au sauvetage d'une voiture présidentielle, mm-hmm. il y a des années avec des amis. Et donc, des voitures restaurants, des voitures Pullman avec un assemblement qui n'est pas tout à fait classique et qui va rouler, voilà, d'une façon à l'ancienne. Je montre à ceux de nos auditeurs qui seraient en ce moment sur Internet et qui suivraient, qui auraient l'image en plus du son, je montre votre photo, Jean Descartes, en tenue de la compagnie des wagons-lits, car vous avez travaillé, vous, dans l'Orient Express. Alors, j'ai fait un voyage dans ce qu'on appelait le Direct-Orient, qui était la fin, le petit rejeton pas très brillant du train. C'est en juillet 76. Je pars pour Istanbul, mais je n'avais le droit, par le règlement, de travailler que jusqu'à Venise. Et à Venise, c'était un collègue italien qui prenait le relais. Je dois dire que j'avais choisi mon époque, puisque je suis arrivé à Istanbul en pleine guerre entre les Turcs et les Grecs. Oui. Mais c'était fascinant, parce que j'y étais au rythme à l'ancienne. Oui, il y avait encore Vous voyez la pancarte, ce qu'on appelle la plaque de parcours, Paris-Istanbul. Voilà. Direct-Orient, Paris-Lausanne, Milan-Venise, voilà. Belgrade, Sofia-Istanbul. C'est ça Istanbul. Qui m'avait toujours fait rêver. Formidable, mais c'est vrai que c'est le voyage dans sa quintessence. Georges Nagelmackers a été de son point de vue une sorte de génie, non? C'est un grand Européen qui a décidé que les hommes devaient pouvoir se parler, donc voyager. Il avait même envisagé, si vous voulez, un Saint-Pétersbourg-Lisbonne, en réglant le problème des différences d'écartement des voies. C'est un génie, c'est un pionnier de l'histoire des échanges européens. Disant, à partir du moment où on a plus d'une nuit de voyage, on doit voyager confortablement. Donc ça doit être sûr, ça doit être agréable. Il y aura des wagons-lits de première, de seconde classe, quelquefois de troisième. Bon, il y aura des voitures-restaurants. Enfin, il y a toute une organisation fabuleuse. Mais c'est du matériel privé qu'il a fait construire à ses frais. Seules les locomotives sont des machines appartenant au chemin de fer roumain, bulgare, grec, hongrois, etc. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus légitime de reconnaître comme véritable, même s'il est indirect, père de l'Orient Express, Monsieur Pullman? C'est lui l'inventeur. Mais je dirais Nagelmackers, c'est le Pullman européen. Oui, voilà. Et qui est moins connu. La courroie parce de transmission dans le vieux monde. C'est ça. Puis il l'a amélioré par rapport au confort étincelant des Américains, mais qui paraissait un petit peu gênant, parce qu'il y avait une dame, enfin, vous voyez la disposition des trains dans le fameux film Certains l'aiment chaud, n'est-ce pas, où l'intimité était un petit peu moins garantie qu'en Europe grâce à Nagelmackers, et où il y avait toujours une Anglaise qui disait « Mais il y a quelqu'un qui m'a regardé derrière le rideau. » Bon, le mystère, dira Joseph Kessel, dans un roman un peu publicitaire des années 30, le mystère était à l'intérieur de cette boîte vernie. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'Orient Express. On voyage cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, Franck, vous recevez Jean Descartes. Il est historien, journaliste, écrivain, auteur du dictionnaire Amoureux des trains et auteur de François-Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion. Voilà deux très beaux livres pour passer de belles fêtes. Oui, un peu dans la même onde, si je puis dire, et dans le même cadre. Sissi la même époque. N'a pas arrêté de voyager, elle avait son train spécial et j'ai pu établir que sa voiture lit salon était raccrochée parfois à l'Orient Express à partir de 1890. Voilà. D'ailleurs, elle aimait tellement le train qu'en Grèce, quand elle a assisté à la construction des premières lignes à travers le Péloponnèse, et qui était déjà dans un autre endroit, les Grecs l'ont appelée l'impératrice locomotive. La pauvre Sissi qui sera passée à peu près par tous les stades possibles. Je suis en train de feuilleter deux très beaux livres. Un livre de Clive Lamming avec des illustrations de Mathilde Fallot chez EPA, absolument magnifique, sur la quintessence même de ce qu'est l'Orient Express, sur ses évolutions en termes de matériel, en termes d'aménagement, en termes d'itinéraire aussi, parce que tout ça a constamment changé dans le temps, bien sûr, Jean Descartes. Ça n'a pas arrêté. Donc l'Orient Express partait de la gare de Strasbourg, c'est-à-dire la gare de l'Est aujourd'hui, et passer par ce qu'on appellera la voie du Nord, par Munich, etc., l'Allemagne, pour redescendre en Hongrie. Le traité de Versailles, et c'est le seul train prévu par le traité de Versailles, prévoit le Simplon Orient Express, qui partira, lui, de la gare de Lyon, qui sera le train des voyages de noces vers les lacs italiens, à travers un État nouveau, la Yougoslavie, n'est-ce pas, à travers les Balkans, avec une petite bifurcation qui aura une grande importance dans l'histoire, au sud de Belgrade, à Niš, et c'est une histoire authentique qui est arrivée en 1962. Un monsieur, au départ de Venise, est tout à fait désolé de quitter son épouse. Une dame est très très triste de quitter son mari. Bon. Alors, ça commence deux bien, sur, liste originale, il y en a deux sur le quai, il y en a deux dans le train. Bref, je vous la fais courte. Le monsieur dans le train dit « Madame, nous sommes très tristes, est-ce que je peux me permettre de vous inviter pour le thé ?» La dame hésite pas longtemps, d'après le chef de brigade que j'ai interrogé. Ils vont finir par dîner ensemble et le monsieur dit au conducteur, et enfin au chef de brigade, en donnant une grossière poignée de main pleine d'argent, je vais passer un moment dans la cabine de madame. Pas du tout, monsieur, c'est interdit par le règlement. D'ailleurs, la police yougoslave, nous sommes du côté de, si vous voulez, après Venise, hein, nous sommes du côté de Trieste, va monter à bord, il y a des contrôleurs de route, il y a les contrôleurs chemin de fer, les douaniers, moi je ne peux pas. Bon, bref, j'ai passé l'âge du couvent, dit le type qui... Et le type lui hurle, revenez, monsieur, revenez avant 3h du matin. Il ne l'a pas écouté. Et ce monsieur qui était parti sans papier, sans passeport, sans argent, qui devait aller à Istanbul, s'est retrouvé à Athènes. Il a fait 2 mois et demi de prison. J'espère que la dame en valait la peine. Ah oui, là, c'était, c'était cher payé, si je puis dire. En fait, on faisait beaucoup de rencontres dans ces grands trains. Ah ben, les couloirs, c'était fait pour ça. On avait le temps en même temps. Oui, puis on était bercés. Et vous savez que le vrai meurtre officiel, si je puis dire, de l'Orient Express, en fait, ça se passe dans les années 60, du temps de la guerre froide. C'est un diplomate américain, le capitaine Eugène Carte, qui avait quitté la Roumanie et qui essayait de rentrer à Paris par le train parce que les aéroports étaient surveillés. En fait, c'était un agent de renseignement et le chef de brigade témoignera plus tard, lorsqu'on aura retrouvé le corps déchiqueté à la sortie d'un tunnel de Salzbourg de ce malheureux diplomate, qu'il avait depuis le début été guetté par une très jolie femme qui était toujours par hasard assise face à lui au wagon-restaurant. Et le chef de brigade disait, à partir de la deuxième fois, ça n'était pas normal. On aurait dû se méfier. On aurait dû se méfier. J'ai également sous les yeux un beau livre paru chez Albin Michel avec des textes charmants de Guillaume Picon et des photographies de Benjamin Chély. Ça s'appelle Orient Express, de l'histoire à la légende, avec d'ailleurs une préface de Kenneth Branagh qui est l'auteur du film dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et alors là, il n'est plus question seulement de l'Orient Express stricto sensu, il est aussi question de toutes ces voitures magnifiques qui ont été sauvées d'un certain nombre des grands trains de luxe. J'ai par exemple là sous les yeux la voiture numéro 2869 Anatolie, voiture-restaurant que nous connaissons tous assez bien, puisqu'elle nous a emmenés dans divers salons du livre, etc., notamment lorsqu'on organisait la forêt des livres avec Gonzac Saint-Brice. La voiture salon numéro 4151 de l'Étoile du Nord. Oui. Tous les trains avaient leur matériel. On a rajouté dans les années, si vous voulez, 25, on a rajouté des voitures Pullman, c'est-à-dire des voitures pour les trains de jour, avec des fauteuils. Une voiture, on pouvait servir un déjeuner, un dîner, un petit déjeuner, ça, oui. Et qui servait de salon. Parce que la voiture restaurant ne fonctionnant que pendant les repas, c'était un poids très lourd et ne rapportant rien en dehors de ça. Donc c'était très bien fait. Alors, initialement, il n'y avait pas de voiture Pullman. La grande transformation du matériel, c'est après la Première Guerre mondiale, quand on est passé des voitures de tech à des voitures métalliques, oui. Au bleu légendaire. Et moi, j'ai participé donc au sauvetage d'une voiture restaurant. Et la 4163, voiture du train bleu, où j'ai croisé Sacha Guitry, Jack Warner, Coco Chanel avec mes parents. Ces voitures, bon, qui aujourd'hui sauvaient, quelquefois il y a eu des destructions au chalumeau qui sont une honte, même l'année du patrimoine en France. Maintenant, on en a retrouvé, on en restaure. Il ne faut pas croire qu'elles ont toutes été dans l'Orient Express, non. La 4159 Côte d'Azur, oui. Particulièrement confortable avec ses énormes fauteuils et puis toutes ces plaques de Lalique. Absolument. C'était, les meilleurs artistes avaient été René Proulx, Lalique avait été sollicité, les verriers, les peintres, avec des raffinements extraordinaires. La cave devait être la plus sobre au point de vue secousse possible, donc des vins adaptés qui allaient tenir le coup, si je puis dire. Il y a des fameux Bordeaux qu'on a connus comme ça. En fait, c'était un peu la même problématique que sur les grands paquebots, notamment les transatlantiques, c'est-à-dire beaucoup de luxe, beaucoup de raffinement, et si possible, faire oublier au voyageur qu'il n'est plus chez lui, en fait. Oui, absolument. Mais avec une obligation, Franck, c'est que l'Orient Express et ses enfants, cette famille, s'était donné pour règle d'être à l'heure. Et j'ai un exemple formidable. On se souvient de la traversée de l'Atlantique avec Maurice Bellonte, bien, Costé Bellonte, bien sûr. Oui. Et à mes débuts dans l'épopée ferroviaire, vécue et écrite, Maurice Bellonte, qui vivait encore, vient me voir et me dit « Monsieur Descartes, je suis un aviateur qui dit merci au train ». Je dis pourquoi ? Il me dit j'étais pilote sur la franco-roumaine dans les années 30. On était perdu dans le brouillard au-dessus des Carpates. Pour arriver à Bucarest, on ne savait plus comment faire. J'avais l'horaire de l'Orient Express qui était toujours à l'heure. On descendait très bas, on repérait la fumée du train. On était sauvés. Magnifique. Ça, c'est comme les gens qui arrivaient, nous disiez-vous tout à l'heure, à régler leur montre sur le passage des trains. Heureuse époque, et je n'en dirai pas davantage. On en est loin. Orient Express, de l'histoire à la légende, c'est donc publié chez Albin Michel. Le très beau L'Orient Express de Clive Lamming est publié chez EPA. Et puis, bien entendu, pour les amoureux des trains, le dictionnaire non moins amoureux des trains, publié chez Plon par Jean Descartes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et à quelques jours de Noël, nous vous donnons de très bonnes idées de lecture et de cadeaux. J'en ai même oublié un. Tout à l'heure, j'ai cité de beaux livres sur l'Orient Express. Il y a aussi un livre de texte très fourni, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est parfois un peu au vitriol, de Blanche Elgamal, publié aux Belles Lettres, du voyage extraordinaire aux illusions perdues. Alors là, c'est l'Orient Express, j'ai envie de dire, version coulisses. C'est les... C'est les dessous. C'est un auteur qui voulait être déçu. C'est ça, on peut dire ça. Alors, nous ne serons pas déçus avec le très beau livre que nous présente maintenant Clémentine Portier-Kaltenbach. Dites donc, vous avez fini par arriver, c'est formidable. Vous êtes une victime d'Anne Hidalgo, vous aussi, finalement. Si j'étais venue en train, je serais arrivée bien plus vite, là, oui. En effet, il faut dire pour les gens qui nous... Et rue François 1er. Nous écoutent en province, on peut dire vraiment que la vie des Parisiens n'est pas facile depuis quelques mois. C'est comme ça. Là, on aurait vous été mieux dans l'Orient Express avec Sissi et Jean Descartes. Vous êtes là, c'est déjà ça. Si vous avez déjà le livre de Jean Descartes, vous trouverez un heureux complément dans le beau livre Patrimoine ferroviaire de Luc Fournier et Clive Lamming, que vous avez déjà cité à l'instant, Franck. Et c'est un livre réalisé pour le Centre des Monuments Nationaux aux éditions du Patrimoine. Mmh. Et leur objectif majeur dans ce livre, c'est de nous rappeler, de nous montrer que le train est un élément de notre patrimoine culturel. Il a bien sûr contribué à façonner le paysage de nos villes, de nos campagnes, mais le train sont des bâtiments, du matériel, de l'outillage. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, c'est tout ça. Et vous le disiez, Franck, à l'instant, Jean, c'est amusant, ce sont aussi des gestes et des mots, le train. Hein. En voiture, contrôle oreiller, des billets, couverture. Des sons, des vous odeurs. Vous faites pas très bien la voix de Simone, je trouve. En voiture, ça vous plaît, ça, Franck. Bon, alors, un patrimoine, naturellement, vous le disiez aussi, que se sont appropriés les artistes, combien de peintres ont utilisé le chemin de fer comme support de leur imaginaire artistique, combien de musiciens aussi. La Pacifique 231, d'Arthur Honegger, le train bleu de Darius Milhaud, et même les scansions, les rythmes scandés du sacre du printemps sont inspirés du bruit du fonctionnement d'un chemin de fer. Vous l'avez dit à l'instant, Jean aussi, c'est de rappeler dans ce beau livre, le train a été aux premières loges au moment de l'invention du cinéma avec l'entrée en gare du train de la Ciotat. L'entrée du train en gare de la Ciotat. Mais ce qui est amusant, c'est ce que déplorent un peu les auteurs, c'est que finalement, il a fallu attendre extrêmement longtemps pour que les années 20, en réalité, pour que l'on prenne conscience que le train n'était pas simplement une machine, un moyen de transport qui relevait... Il était un univers. Mais qu'il était un univers et un élément de culture. Donc on a commencé à faire des musées du train. En France, c'était en 38. La SNCF a commencé à récupérer le matériel le plus ancien, dont certaines machines roulantes qui dataient du Second Empire. On a créé en 47 une association des amis de la SNCF. Évidemment, les anciens cheminots ont été partie prenante dans le regroupement de toutes ces machines. Et donc, nous avons aujourd'hui une très très belle cité du train, ancien musée du train, à Mulhouse. Nous avions fait, avec Clive Lamming d'ailleurs, nous avions fait une émission là-bas, à la cité du train, au milieu de ces machines extraordinaires. C'est une visite à faire absolument. Mais Mulhouse, c'est une ville pour ses musées ou ses journées. Il y a eu aussi le ballet du train bleu, par exemple, créé au Théâtre des Champs-Élysées, avec des costumes de Coco Chanel. Bon, c'est la civilisation. Puis il y a les tortillards, des chansons très drôles, un peu polissonnes. C'est tout un univers, le chemin de fer. Il faut dire que la vapeur donnait une poésie. Ah oui, l'expression « la bête humaine » évidemment était géniale, et que les monstres froids que sont les motrices de TGV, etc., sont impressionnantes par ailleurs. J'ai été le premier journaliste à passer les 300 à l'heure en cabine sur la ligne droite La Motte-Morsinx au sud de Bordeaux. C'est très impressionnant, surtout quand on apprend qu'il faut au moins 3 km pour s'arrêter en cas d'urgence. Mais donc il faut pas nier, si vous voulez, l'évolution. Ce que je regrette, c'est que les trains actuels en France, du moins, sauf quelques rames par exemple de Suisse qui roule sur le parcours France-Suisse ou Belgique, l'IRIA, il n'y a pas de vie à bord, n'est-ce pas? Oui, et donc, c'est un peu impersonnel, en fait. Voilà, hein. Et les bars ne sont pas des vrais bars. Alors, les Thalys sont un peu mieux, sur la ligne de l'Allemagne ou de la Belgique ou des Pays-Bas. Il faut un art de vivre à bord, surtout s'il y a un pépin technique, si on est coincé. Parce qu'alors là, c'est pire que tout. Un TGV arrêté, plus d'air conditionné, plus de courant, puisqu'il n'y a pas de moteur auxiliaire de secours. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui un voilier qui n'aurait pas un petit moteur? Ne serait-ce que pour dégager la voie. Il faut rendre chaque convoi à peu près autonome, voilà. Ça. Est-ce qu'il y a des trains qui ont été classés au titre des monuments historiques, Clémentine? Là aussi, c'est étonnant, c'est que le premier train classé, c'était en 1984, le 8 juin 1984, la 231 G558 garée à Sotteville-lès-Rouen, figurez-vous. Je fais partie des gens qui sont battus, et il faut dire que Jacques Lang, ministre de la Culture, a été très sensible aux appels au secours de gens dans mon genre pour classer des locomotives, 107 locomotives classées en tout, des voitures salon, des voitures restaurant, même des fourgons, tout un matériel qui avait échappé aux guerres, c'est déjà miraculeux. Vous savez qu'on a à titre de mémoire ce qu'on appelle le wagon de rotonde 1918, qui est signature en fait une réplique, mais c'est intéressant parce que c'est encore un wagon, une voiture en latte de bois comme avant la guerre. Alors en dehors des véhicules eux-mêmes, il y a des bâtiments, Clémentine. Ça fait partie, ça, du patrimoine ferroviaire. Tous les ouvrages d'art qui font partie de l'histoire du train. Le viaduc de Garabit a été classé. Le buffet du train bleu, gare de Lyon, classé également. Et alors ce livre, on y trouve des quantités d'anecdotes. Par exemple, sur le fait qu'au début du chemin de fer, on appelait ça les canaux secs. Moi, j'ignorais ce détail parce qu'ils étaient absolument copiés sur l'ancestrale batellerie des rois de France. En fait, il y avait des trains de péniches avec des gares où les péniches se croisaient, des péniches plus rapides que d'autres. Les récits amusants aussi sur la grande hostilité de tous les métiers liés au transport avant l'apparition du train. Seule l'élite était favorable au train. Et Théophile Gautier qui nous dit les chemins de fer sont les cathédrales de l'humanité nouvelle. Mais il était très minoritaire à l'époque où il exprimait une telle opinion. Quand il y a eu le premier accident en 1842, là les gens ont déchanté. Le choix des voies, vous devez connaître ça par cœur également, Jean. Enfin, moi je ne connaissais rien du rail Vignol, encore dénommé rail à patins du nom de son créateur aux États-Unis dans les années 30. Ou alors le rail à double champignon, né en Grande-Bretagne. Ah bah écoutez, voilà vraiment. Le crocodile pour faire une sonnerie sonore qui passe. Il y a tout un folklore de savoir que les premières gardes-barrières, et tristement d'actualité si je puis dire ces temps-ci, étaient des veuves de soldats. C'était des emplois protégés. Et donc, dans certains pays, le règlement, ça ira jusqu'en Russie, disait que le garde-barrière doit guetter la fumée du train et rester debout, barrière fermée, jusqu'à ce que disparaisse la fumée du train. Ça pouvait prendre du temps. La fumée en question, c'était la vapeur qui s'échappait à l'époque de ces gros... J'ai fait le dernier voyage service normal à vapeur en 1972. Ah voilà, 72, c'est ça. Et j'ai conduit la machine du VSOE en Bulgarie jusqu'en Turquie. Lever le levier de l'admission de la vapeur, là vous avez une impression extraordinaire. C'est presque, si j'ose dire, un orgasme technique. Mais une impression de puissance, c'est ça? Un orgasme technique, voilà. Ça, c'est un sujet pour Isabelle Quenin qui est en train de s'installer dans le studio. Donc tout est passé en revue. Hein. Vous nous dites les ouvrages d'art, les gares, les matériels. On pourrait faire tout un travail sur les gares. Bien sûr, le train dans la guerre, des classes dans le train, les cités cheminotes, les femmes dans le monde du train, qui n'est pas un monde très ouvert aux femmes, bien sûr. L'arrivée de l'électricité, la course à la vitesse, puisque bien sûr, le livre est classé de façon chronologique en quatre grandes Rappelez-nous époques. Rappelez-nous le titre. Alors, du livre. Le titre de ce livre, Patrimoine ferroviaire, aux éditions du Patrimoine, et les auteurs sont Luc Fournier et Clive Lemming. Un livre réalisé par le Centre des Monuments Nationaux. Merci beaucoup Clémentine. C'est agréable de temps en temps de parler de monuments de papier aussi d'une certaine façon. Il y a un univers du train, il y a une civilisation du train, le mot n'est même pas trop fort, hein, Jean Descartes. Et il y a d'innombrables amoureux. Je me suis donc déclaré ferrovipate, mais je peux vous dire que nous sommes très nombreux. Et on aime la poésie, le rêve. Ça existe toujours, la vie du rail. Oui, bien sûr, un journal extrêmement sérieux celui-là, et qui ne ment pas. Alors, non, c'est très important. Moi, je ne conçois pas la vie sans un univers ferroviaire et je suis désolé qu'on ait désaffecté des lignes, qu'on ait oublié le tissu social, notamment en France, que constituaient les voies secondaires, les voies classiques pour le chef-lieu de canton, la préfecture, quand on voit que maintenant il faut changer de train pour aller de Paris à Deauville. Oui, il faut 4 heures maintenant pour aller de Paris à Deauville, c'est de mieux en mieux. Merci beaucoup Jean Descartes, nous allons sinon passer encore pour des acrimonieux et des ronchons. Merci chère Anissa, merci nous nous retrouvons vous, demain. Demain pour une émission consacrée à la peinture, vous nous raconterez la vie de Paul Gauguin aux Marquises. Demain, il nous visiteront très belle expo, cette exposition. Oui. Très belle expo.